Page 83. Activité 7. Piste 75. A. J'ai cours. B. Salut. C. Super. D. C'est tout. E. Bonjour. F. Bien sûr.